IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Floodcast raconte. L'histoire que nous allons vous raconter est une affaire surprenante. Une affaire pas comme les autres. C'est un mardi matin ordinaire et le téléphone sonne au commissariat de la Plaine Saint-Denis. Commissariat de la Plaine Saint-Denis, bonjour, j'écoute. Allô, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que je sens une odeur un petit peu bizarre dans mon voisinage, comme une odeur de, comment dire, comment la décrire? Oui, voilà, une odeur de merde, une bonne grosse odeur de merde. D'accord, vous avez vérifié, monsieur, que s'il ne s'agit pas de l'évacuation de votre. Peut-être de vos toilettes, peut-être. Attendez. Ah, il y a de ça aussi. Mais en même temps, il y a eu du bruit cette nuit. Il y a eu beaucoup de bruit. Alors j'ai l'impression qu'il faudrait quand même aller voir ce qui se passe. D'accord, on va se déplacer avec une équipe. Ne quittez pas, monsieur, je vais prendre votre adresse. Les agents de police se déplacent sur les lieux et frappent à la porte. Ouvrez, monsieur. La porte est ouverte. Et à l'intérieur, les agents découvrent une scène terrible. Un cadavre! Mais la découverte la plus surprenante reste à venir. Oh, tu veux dégueuler. Oh. Non mais attends, calme-toi. Attends, calme-toi. Attends, j'ai l'impression que quelqu'un se cache derrière le rideau. Ah, on va voir, moi, l'odeur est trop pestilentielle, je te laisse. Enfin, regarde, que fait ce rideau en plein milieu de l'appartement? Oh, l'odeur est pestilentielle. Peut-être fait pour délimiter une pièce à l'autre, enfin, je ne sais pas. Oh, je vais dégueuler, mais normalement, les gens font des murs pour ça. Bah, enfin. Vas-y. Pressons qu'une personne... a été étranglé. Il s'agirait d'une strangulation, regarde. Cette personne est toute bleue. Oh, j'ai dégueulé sur le cadavre, je suis con. J'ai merdé, je sens que j'ai merdé. Je suis désolé, pardon. Pardon. T'as vu comme elle est bleue? Elle est bleue comme... Attendez, mais ce serait... Comme... Mais c'est Bill du Big Deal? J'ai l'impression que ce serait Bill du Big Deal. Après, c'est peut-être juste un mec qui a été étranglé, donc du coup, la couleur est bleue. Non, quelque chose me dit qu'avec les oreilles qu'il a, c'est Bill du Big Deal. Attendez, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est fait étrangler et qui avait les oreilles taillées en pointe, une sorte de punk à chien, peut-être. Regarde ses phalanges, c'est Bill du Big Deal, je te dis. Ah, j'avoue, les phalanges ne trompent pas, c'est Bill du Big Deal. Bill, l'extraterrestre du Big Deal. C'était bien lui qui gisait là, dans un petit salon de la Plaine Saint-Denis. Les officiers appellent immédiatement leur supérieur, celui qu'on connaît comme étant l'inspecteur des stars, le lieutenant Bernard Periglionelli. Allô, lieutenant? Lieutenant Periglioni, oui, j'écoute. Oui, écoutez, il faudrait que vous veniez sur place. On a quelqu'un qui est mort par strangulation et cette personne serait probablement Bill du Big Deal. Ça vous dit quelque chose? Bill du Big Deal? Tiens donc. Je pense que vous devriez venir, donc plus vite. Très bien, j'enfile mes bottines et j'arrive tout de suite. Le lieutenant Periglionelli est un vieux briscard, un fin limier, un vieux de la vieille, un bon bougre, un type à l'ancienne, un vrai roublard, un démerdard, un coquin, un malin, un vrai finot, un sacré loustique, un grand gaillard. Mais c'est avant tout un flic et un bon. Une fois sur les lieux, il remarque deux choses. La porte ouverte, bien sûr, mais aussi l'objet utilisé pour étrangler Bill du Big Deal. Un câble d'alimentation d'ordinateur. Vous voyez, Daniel, une chose m'étonne. Dites-moi. Regardez ce câble au sol. Il ne vous dit rien? Ah, c'est un HDMI 2, oui. Enfin, c'est... Non. Ah, après, moi, j'ai pas bossé à la FNAC. Ce n'est pas non plus du XLR. Je connais pas trop les câbles, je vous avoue, moi, je suis policier, en fait. Je suis pas du tout... Je pense que ce meurtrier a utilisé ce câble pour étrangler Bill. Bill du Big Deal. Une chose m'étonne. Comment se fait-il que l'ordinateur se trouve à l'autre bout de cette pièce? Daniel, une idée? Là, comme ça, vous me prenez de court. Je sais pas, peut-être... Je vous teste, je vous taquine. Allons plutôt interroger les voisins. Le premier voisin, Paul Bomblard, est un grégou, un foufou, un zazou. Et il est formel. Il a entendu Bill du Big Deal rentrer chez lui hier soir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes? Bah, moi, c'est Paul Bomblard. Bomblard de chez Bomblard et Bomblard. Mon fils et moi, on a une boulangerie là de pâté de maison, puis aussi on a une entreprise de d'alarme à incendie. Bomblard, oui, c'est vous qui faites les chouquettes et les détecteurs de monoxyde de carbone, c'est ça? Exactement, on fait les deux. Enfin, souvent on vend ou de l'un ou de l'autre, rarement les deux en même temps. Oui, j'imagine, c'est astucieux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de votre voisin du dessus, Bill du Big Deal? Oh, celui-là! Ah non, celui-là, moi, alors, excusez-moi. Hein. Franchement, si ça tenait qu'à moi, il serait mort ce type. Je le déteste. Il fait du bruit tout le temps. Il fait du bruit. Vous savez, je vais vous dire un truc. La seule fois où je l'ai pas trop entendu faire du bruit, c'est cette nuit. Ouais. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai entendu, c'est il est rentré chez lui, il a mis la clé dans la serrure. Oui, je note. Oui. Attendez, pas si vite. Il est... Si. Daniel, tu prends une note. Oui. Ouais, excusez-moi, j'ai oublié un petit peu ma voix. Donc il est rentré, et là, oui, pour le coup, il a pas fait de bruit. Donc il a rentré sa clé, il est rentré, et il a fait je sais pas quoi, j'ai l'impression qu'il a... comme s'il s'était battu contre quelqu'un. Enfin, vous savez, c'est des extraterrestres, ils sont pas comme nous, hein. Ils font leur truc d'extraterrestre entre eux. C'était vers 23h30, minuit, et lui, il est rentré à 23h. Ça, je vous le signe, parce que j'entends tout, là. Ça dépasse l'heure légale du tapage nocturne, en effet, ah, monsieur. Ah, bah merci, monsieur. Je vous remercie de le dire, parce que moi, j'arrête pas de les appeler, vos collègues, jamais ils bougent. Alors, pour une fois qu'ils bougent leur cul. Vous noterez ça, Daniel. Le lieutenant Periglionelli décide d'aller interroger l'autre voisine, Sabrina Guigui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et lieutenant Periglioni, enchanté. Enchanté, Sabrina Guigui. Bonjour, madame Guigui. Bonjour, monsieur lieutenant. Madame Guigui, désolé pour l'heure tardive, mais est-ce que vous pourriez me parler de votre voisin du dessus, Bill, du Big Deal? Oh, ben ça, je peux vous en parler depuis que je suis 25 ans en France. Monsieur, je vais vous dire qu'ils m'ont pas dit une fois bonjour, ils m'ont pas dit une fois au revoir, ils m'ont jamais rien dit, ils m'ont regardé dans le cahier, ils m'ont pas regardé. Là, ça fait 4 jours. Uh-huh. 4 jours qu'il n'est pas sorti de chez lui. Voire même une semaine, si c'est pour vous dire, d'accord? Il n'est pas sorti chez lui. Là, quand il s'agit de sortir les poubelles jaunes, il n'y a plus personne pour faire le tri, je peux vous dire comme je pense. Hein? Eh oui, le tri. Comme je suis, je vous le dis. J'ai une autre question, Madame Guigui. Dites-moi. Êtes-vous de la famille de Natacha Saint-Pierre? Ben, c'est-à-dire que là. C'est un petit peu difficile pour moi de vous répondre, mais... On ne peut rien me cacher, je suis inspecteur. Enfin, lieutenant, mais inspecteur aussi. Un petit peu à mes heures perdues. Eh bien, en fait, vous n'avez pas tort. C'est une cousine. De temps en temps, je mange ça avec elle. C'est délicieux, c'est génial. On fait comme une sorte de poutinerage du fromage en grains. Oui, c'est délicieux. Mais vous lui direz que je l'aime beaucoup. Voilà. Je passerai le message, maintenant. Ah, si on pouvait... mourir si on devait demain. Mourir demain, voilà. Qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Exactement. Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Enfin, voilà, voilà. On s'égare. Curieux. Bill du Big Deal n'était pas sorti de chez lui depuis 4 jours. Ça n'est donc pas lui qui a mis la clé dans la serrure hier. Le meurtrier est donc entré, et il avait la clé. Un officier interpelle alors le lieutenant Periglionelli. Lieutenant! Lieutenant! Lieutenant! Lieutenant! Oh, excusez-moi, je parle fort, je crie, je suis pas excité. Oui, calmez-vous, prenez une verveine, nom de Dieu. Regardez ce qu'on a trouvé derrière le rideau. Uh-huh. Un single de Crick Crap Hop. Vous savez ce que c'est? Un CD. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, c'est un compact disc, c'est un truc qu'on met dans les machines pour écouter de la musique. Enfin, on le faisait à l'époque, maintenant on le fait beaucoup moins. Crick Crack Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Crick Crack Hop, la célèbre chanson interprétée par Bill du Big Deal. Et les gaffettes! Les premiers suspects sont tout trouvés, et c'est le juge Lambert, le juge chargé de l'affaire du petit Grégory, qui l'annonce à la télévision. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Écoutez, bonjour. Alors je suis très heureux que vous soyez tous là, puisque l'enquête suit son cours, nous avons des premiers suspects. Les suspects, je peux vous le dire, hein, y a aucun problème de le dire à des caméras, ce sont les Spice Girls. Pas du tout, il s'agit des gaffettes. Les gaffettes, exactement, oui. Le lieutenant Periglionelli va leur rendre visite. Mesdemoiselles, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Arrête de rire. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suppose que vous savez pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Ah bah alors là, pas du tout, eh. Non, monsieur l'inspecteur, on ne sait pas. Si je vous dis Bill du Big Deal, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est un ancien ami, ouais. Un collègue. Oh oui, moi je lui parlais souvent. Eh bien, vous serez sans doute surprise d'apprendre que Bill du Big Deal a été lâchement assassiné. C'est pas vrai. Hein. Quoi? On va voir autre chose. Tué, enfin, carrément. C'est impossible. Il allait si bien la semaine dernière. Mais il a été tué, mais comme un meurtre, vous voulez dire? Absolument. Ah non! Mais quel désastre! Avez-vous prévenu ses proches? Je suis pleine de chagrin. Il a été strangulé par étouffement. Ah! Par qui? Lui qui aimait tellement se faire stranguler, au final, il en est mort. Bah super! Inspecteur, vous avez une idée de qui ça peut être? Vous qui connaissez un petit peu les rouages du show business, vous n'êtes pas sans savoir que Vincent Lagaffe travaillait très étroitement avec Bill du Big Deal. Oh bah il travaillait, c'était dans le passé ça, récemment il se voyait moins. Et je vous le dis tout net inspecteur, Vincent n'aurait jamais fait ça. Il a quand même chanté, il est beau le lavabo, cet homme est prêt à tout. Il faut lui pardonner, c'était une mauvaise période. Et puis en ce moment, moi je sais bien ce qu'il fait. Il arrête pas de faire du jet ski. Donc jamais il serait dispo pour stranguler un homme. Encore moins Bill, c'était quand même son ami. Il a arrêté d'imiter des singes. Oh, il le fait encore de temps en temps, mais c'est plus pour faire rigoler la galerie que professionnellement. Oui, il le fait plus en public. De toute façon, on ne peut plus rien dire aujourd'hui, alors il le fait que dans les banquets. On peut plus faire aucune blague, ça tu as bien raison, Sandrine. Il le fait sur les forums, sur internet. Sous un pseudonyme. Justement, j'allais y venir. Quelles étaient ses dernières relations vis-à-vis de Bill du Big Deal? Est-ce qu'il voyait en lui peut-être un étranger? Eh ben, je dirais que elles étaient anales. Vous dites Corinne? Corinne, comment? Qu'est-ce que tu racontes? Corinne. Non, enfin, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais un soir, après le Big Deal, derrière le rideau, j'ai vu ce que je n'aurais jamais dû voir. Ne me dites pas qu'il l'a enculé. J'imagine que ça vous déplaît, que cette approbation va vous déplaire, mais elle dit vrai. Ça vous déplaît, hein, monsieur? Vous détestez ça? C'était un enculeur. On l'appelait l'enculeur. Tiens donc. Vous avez l'air ça maintenant. Bon, mais après ça, c'était la dégringolade. Après, quand on mélange le sexe et le travail, c'est toujours la dégringolade. Quand ils se sont séparés, ils étaient en très mauvais termes. Oui. Ça, c'est sûr. Pour être en mauvais termes, ils étaient en mauvais termes. Tiens donc. Ils étaient même plus qu'en mauvais termes. Ils étaient en mauvais termes. En très mauvais termes, je dirais. Très très mauvais termes. Oui, je crois qu'on l'a noté. Si vous me demandiez quels étaient les termes, je vous dirais qu'ils étaient mauvais. Et moi, si vous disiez ils s'étaient quittés en bon terme, je vous dirais non, non, non, l'inverse. Moi, je dirais qu'ils n'étaient pas en bon terme. Quelle relation y avait-il entre eux? Il y a des mauvais termes. Ah oui, je m'en doutais. Vincent Lagaffe, l'inspecteur Père Aiglionelli le connaît bien. C'est un rigolard, un gueulard, un jobard, un pantoufleur. Mais c'est surtout l'ancien présentateur du Big Deal. Il va donc l'interroger. Alors, moi, je suis venu, mais je sais dire qu'une seule phrase en Vincent Lagaffe. Ouais. Je sais dire bonjour, Émilie. Ah tout. Non, oh mec. Non, mais tu nous as dit que tu savais l'imiter. Je suis pas imitateur, mais je. T'es relou, Julien, putain. Oh, putain. Parce que moi, j'avais écrit un truc et tout. Ouais, il y avait plusieurs répliques. C'est la seule phrase que je peux dire. C'est juste dire bonjour, Émilie. Bah, bonjour, Émilie, ça, je le tiens. Vas-y, pas fais-le, mal, fais-le. Bonjour, Émilie. Ouais. Et tu sais rien dire d'autre avec la voix de Lagaffe? Pas beaucoup plus. Ok. Bon, on va improviser. Bon, vas-y, merde, pardon. Exceptionnellement, l'inspecteur Bernard Periglionelli allait déléguer l'interrogatoire à sa collègue, Émilie policière. Émilie, est-ce que vous pouvez prendre le relais, s'il vous plaît? Oui. Bonsoir, monsieur Lagaffe. Bonjour, Émilie. Afin de le déstabiliser, on lui demande de se prêter à un jeu de rôle, une sorte de test psychologique. Que diriez-vous si vous croisiez un tueur en série notoire, un assassin qui exercerait la profession de chauffeur de bus? Bonjour, Émile Louis. Une politesse suspecte. Mais quand elle lui demande ce qu'il faisait au moment du crime, Lagaffe répond qu'il était au téléphone en train de souscrire une assurance maladie. Qu'avez-vous dit au téléphone ce soir-là? Bonjour, Émile Louis. Son alibi est béton. Mais avant qu'on puisse lui poser une nouvelle question, l'interrogatoire est interrompu par un appel de son ami humoriste, Willy Rovelli. Bonjour, Rovelli. Les policiers décident de le laisser tranquille. Pour le moment. Une fois de retour au commissariat, le lieutenant Periglionelli est alpagué par un officier. Monsieur Periglionelli? Oui, c'est moi. Il y a quelqu'un pour vous au téléphone. Ah, et qui est-ce? Je crois que c'est un corbeau. Je vous demande pardon? Un corbeau, quelqu'un qui dit « je suis le corbeau ». Mais c'est impossible. L'oiseau ne peut pas tenir au téléphone. Non, un corbeau, je parle de, comment dire, quelqu'un qui masque sa voix et qui... Mais vous imaginez, ce petit volatile avec ses ailes qui essaye de trapper un combiné, c'est impossible, jeune homme. Oui, non, si... Vous allez me dire sans doute qu'il a un fromage dans la bouche, hein, et qu'il se fait harceler par un renard, mais enfin, soyons sérieux. Non, je crois qu'on n'est pas... Oui, je comprends le quiproquo. En fait, c'est le mot corbeau, donc désigne effectivement un oiseau qui a pu être croqué dans des fables de La Fontaine. Là, c'est un corbeau, quelqu'un qui se fait passer pour un meurtrier, mais c'est un être humain. On utilise le terme corbeau pour parler des êtres humains qui font des menaces au téléphone, voilà. Comme dans un bal masqué, par exemple. Pas du tout. Très bien, passez-le-moi. Au bout du fil, c'est effectivement un corbeau. Pas le volatile. Quelqu'un qui appelle de façon anonyme. Pour masquer sa voix, il emprunte celle d'un ancien président de la République. J'écoute. Crac-crac, lieutenant, comment ça va? Je suis le maire de Paris, crac-crac. Ah, bonjour, monsieur le président. Si on m'avait dit que c'était vous, j'aurais décroché plus vite. Non, je suis le corbeau, crac-crac. Je masque ma voix avec une imitation de Jacques Chirac, crac-crac-crac, le maire de Paris. Bon, vous croyez mort, comment allez-vous? Bon, laissez tomber. Dites-vous que le meurtrier est plutôt du côté Du show business, crac crac, comme David Douillet, crac crac crac, les pièces jaunes. Non, le show business, vous dites. Et pas que crac crac, savez-vous que Bill du Big Deal avait de nombreux ennemis et surtout de la concurrence. Crac crac, maire de Paris, les bombes dans l'Atlantique. Tiens donc, la concurrence. Effectivement, dans le milieu, Bill possédait un concurrent, un rival notoire. Le nouveau suspect tombe sous le sens, comme l'annonce le juge Lambert à la télévision. Oui, bonjour à tous, bonjour les photographes, bonjour, bonjour, attention, les flashs font mal aux yeux, bonjour. Alors, voilà, on a trouvé un suspect, ce serait un espèce de concurrent, un rival en tout cas de Bill du Big Deal, il s'agirait tout simplement de Vincent Perrault. Faux, c'est Crazy Frog le suspect. Oui, Crazy Frog plus, ouais. Millionnaire grâce aux ventes de ses disques, il vit dans un manoir dans le sud de la France. Et c'est là que le lieutenant Periglionelli va lui rendre visite. Oui. Monsieur Frog ? Oui, c'est bien ça, oui. Enchanté, monsieur Frog. Enchanté, qu'est-ce que vous me voulez ? Vous avez une bien belle villa. Merci. Hé, Crazy, on peut prendre des bières ? Vas-y, petite pute. Ok, cool, merci. Je vois que vous n'êtes pas seul, je peux repasser. Non, restez, inspecteur. J'ai aperçu de la bien belle gambette dans votre piscine. Il y a toujours dans ma piscine de la bien belle gambette, inspecteur. Crazy, on peut prendre de l'héroïne ? Bien sûr, sans souci, c'est dans ma table basse. T'es trop cool, Crazy ! Y'a pas de problème. Monsieur Frog, je vais être direct si j'ai fait tout le trajet jusqu'à vous, ce n'est pas pour tremper mon cul dans votre piscine. J'irai droit au but. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir ? J'apprécie votre franchise, monsieur l'inspecteur, mais je peux savoir en quel honneur vous me posez cette question ? Vous ne comprenez pas, il y a une vie en jeu. Bill du Big Deal a été assassiné et tous les soupçons reposent sur vous. Bill ? Du Big Deal ? Lui-même. Le bon vieux Bill. Le bon vieux Bill. Le bleu. Du Big Deal. Du Big Deal. Le Bill. Bill. Mais non. J'ai entendu dire que une sorte de rivalité s'était créée entre vous lors de vos bonnes années. À vrai dire, la rivalité était plutôt du côté de Bill, du Big Deal. Parce que ce bon vieux Bill, du Big Deal, m'en voulait d'avoir un succès à l'international. Mais Bill, du Big Deal, était surtout célèbre en France. Je n'avais rien à lui envier, lieutenant. C'est vrai que vous êtes une star internationale de la chanson, mais Bill du Big Deal, comme vous dites, n'était pas n'importe qui. Il avait des femmes, de l'argent, du succès, de la drogue, des soirées, des promotions sur les rideaux. De quoi vous rendre jaloux ? Ah oui. De l'argent j'en ai, des femmes aussi. C'est pas ça qui manque ici. Crazy, Crazy, je peux pisser sur une multiprise ? Non, ça fait un peu chier par contre, Séverine. Ok, pas cool. Hier, j'ai au moins une dizaine de témoins à mes côtés, dont Sandrine, Sylvie, Catherine, Véronique, Corinne et Frangipane. Oui. Qui toutes étaient présentes à ma soirée. Ma soirée mousse, monsieur l'inspecteur. Hier soir, vous dites ? Hier soir. Excusez-moi, vous dans le fond, vous me confirmez cette information ? Ouais ! Très bien. Touché, monsieur Frog. Je ne veux pas lancer des accusations à tort et à travers, mais j'ai une petite idée. Allez plutôt voir du côté de René la taupe. René la taupe ? Oui, j'ai bien dit la taupe, René. Eh, ça vous dit, on appelle nos parents et on leur dit qu'on les aime parce qu'on leur dit pas assez ? Je vous laisse avec vos amis, vous avez beaucoup de choses à vous dire. Tu veux pas fermer ta gueule, Véronique ? Excusez-moi, je manque d'affection. Merci, monsieur Frog. À une prochaine fois. René la taupe, l'inspecteur Periglionelli le connaît bien. C'est un rongeur, un fonceur, un buveur, un râleur, mais c'est avant tout une ancienne star de la musique, reconvertie dans la restauration. Monsieur la taupe ? Oui ! Bonjour, monsieur la taupe, je suis l'inspecteur Periglionelli. Ah ben, enchanté, monsieur. Désolé de vous déranger en plein service, mais pourriez-vous me dire ce que vous faisiez hier soir ? Oh, mais hier soir, je présume que j'étais en train de becter, comme tous les jours. Ou alors de prendre l'apéro, je me rappelle plus. On avait fait du filet en croûte, avec des morilles et du foie gras. Alors je vous explique très rapidement, tu commences par me faire saisir le filet de bœuf, comme ça, dans la poêle. Hein, ça rend un petit peu le gras et ça saisit la viande, ça colore un petit peu. Tu mets ta pâte feuilletée, tu mets ta farce et t'enfournes. Pour une bonne heure, quoi, dans le four. Et après, bah, tu manges et c'est bon. Merci, je n'en attendais pas tant, monsieur la taupe. Je peux me permettre, René ? Oh, ben oui, tout le monde m'appelle René. Ou Néné. Ou Toto. Ou la taupe. Et ce fameux filet de bœuf, vous l'avez mangé seul ? Oh, bah là non, j'ai pas trop d'appétit ! Non, j'étais avec Françoise ! Françoise, c'est ma monitrice de canyoning, c'est-à-dire que quand j'ai du temps libre comme ça, bah, j'aime bien aller dans des canyons, quoi, pour aller dans les torrents, on fait ça patouche, c'est rigolo, et puis je peux sortir ma blague préférée, et je lui dis hey, « Hé ! Devine qui c'est qui tape au carreau ?» C'est moi, c'est René, c'est la taupe, voilà, comme quand on veut faire caca, c'est la blague, je la dis tout le temps. Merci, monsieur la taupe. Le soir du meurtre, il dînait donc chez Françoise, sa monitrice de canyoning. Ouais. Françoise ? Ouais, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je me permets de venir vous voir, c'est... Alors, si c'est pour le canyon de demain, par contre, je vais être complet sur 14h. Il va falloir repasser sur créneau de 16h avec Didier. Parce qu'en ce moment, je suis full, c'est à peine saison. C'est adorable. On est dans les Cévennes, hein ? Oui. On croyait. Oui, je connais, voilà. Ça tape fort. Ouais, ça tape très fort, d'ailleurs, je le dis tout le temps. Le casque permet effectivement de protéger du soleil, mais par contre, le visage, il faut de l'indice 50, sinon vous partez pas dans le canyon avec moi, ça c'est clair. J'emmène pas quelqu'un sous 40 degrés dans un canyon à moins 15, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si c'est pour faire derrière un choc technique, oui, j'entends bien. Moi j'appelle, oui. Hélicoptère, etc. Si c'est pour aller jusqu'à Charenton, oui, c'est fait pas des la frais, peine, oui, vous oui. voyez ce que je veux dire ? Non, parce que l'année dernière, c'est arrivé, j'ai une jeune nana qui faisait de la grimpe, soi-disant, hein, en salle surtout, du côté de Montreuil. Alors j'entends je vois bien, bien les oui. intermittents de jonc, mais enfin la nature, ça reste la nature, d'accord ? Elle commence à grimper, qu'elle me dit, je m'assure, elle s'assure pas, le mousqueton bon, elle se flingue, elle se nique le coccyx. Ah oui, c'était mal attaché. C'était pas mal attaché, elle était mal assurée, vous voyez ce que d'accord, je veux dire ? Moi derrière, oui. je peux encorder, je peux assurer ce que je veux, ça flingue. Hein. Je viens vous voir de la part de René, monsieur la taupe. Oh putain, pardon, je vous ai pas laissé parler, René, bien sûr, ouais, évidemment. Bah, grand féru de canyoning, René, hein, on a commencé ensemble. Maintenant, c'est vrai qu'il déroule pas mal de câbles. Au départ, c'était les Via Ferrata, son truc. Alors, c'est plus technique, les Via Ferrata, ça, c'est un truc que j'aime pas trop faire parce que moi, le contact avec l'eau, c'est quelque chose que j'aime énormément. Je suis poisson déjà, hein, ça, c'est clair, c'est mon signe astrologique, même si j'ai le scorpion qui reprend un petit peu là, avec le temps. On dit que l'ascendant reprend, évidemment, mais enfin, je suis surtout né dans les Cévennes, moi. Donc, voyez, hein, oui. C'est clair que ça. Le canyoning, c'est un appel. La rivière, pour moi, ça a toujours été un appel. Oui, je vais pas bien, je vais où ? À la rivière. À la vous voyez rivière. Ce que je veux dire ? Je me et pose oui. tranquille. Et c'est puis, le retour voilà. à la nature, c'est retour pour ça que je fais pas de via ferrata essentiellement du canyoning. Mais ouais, bon, ouais. après, j'ai fait quand même un peu de via ferrata, donc j'escalade. Hein, et vous êtes ouvert hors saison aussi ici ? Ah, bah alors hors saison, c'est plutôt pour les connaisseurs. Je veux dire, je vais pas faire avec des groupes. Alors bon, il y a des groupes de Hollandais qui ont pas peur parce que c'est vrai que le froid en général là-bas en Belgique. Oui. Mais enfin, non, voilà. Donc on est ouvert toute l'année, effectivement. Après, c'est pas le même. Oui, ça marche bien. Les activités marchent très fort, surtout en été. Les gens sont férus. Bon, après, faut attention, les gens veulent faire du canyoning, mais enfin, une fois qu'ils se retrouvent dans le canyon, là c'est clair que c'est plus la même déconne que quand on est parti en bus, en minibus. Parce que moi, quand je retrouve sur site Gilles, en général, Gilles m'attend sur site avec oui. les combis en fait en néophrène parce que je peux pas oui, aller d'accord, dans vous le partagez les tâches, si oui, j'ai évidemment. Les gamins. Voilà. Alors après, il faut essayer les combis, c'est pas grave, c'est mouillé, c'est trempé, ça pue. Bah oui, effectivement. Bon, enfin, ça. Merci pour toutes ces précisions, Françoise. À bientôt. Oh, une dernière chose. Hier soir, vous étiez avec René ? Non. Tiens. René avait menti. Ça chauffe pour René. Et le lieutenant Periglionelli commence à perdre patience. Bon alors maintenant mon petit René, tu commences à m'agacer. On va passer à table. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais hier soir ? Bah je vous ai déjà dit, je mangeais du filet de bœuf. D'abord on met la croûte, ensuite on met les brioches. Non René. J'étais avec Françoise. Tu n'étais pas avec elle hier soir ? Commissaire ? Non, inspecteur. Inspecteur ? Moi je vais vous dire une chose en fait... Hier soir, j'avais privatisé le restaurant pour l'anniversaire de Janine. L'anniversaire de ? De Janine. Mais il faut pas le dire à ma femme, parce qu'elle va me taper sur les doigts. Il était avec sa maîtresse. C'est pour ça qu'il mentait. Et cette fois-ci, les témoins ne manquent pas. Tout d'abord, la fameuse Janine, qu'on surnomme la Brouette. Bonjour. Mais aussi, le Chiffon. Enchanté. Polochon. Coucou. La Ristourne. Bonsoir. Le Gigot. J'étais là. La Pilule. Tu m'étonnes. Le Colonel. Présent. Bout de bois. Ici. La Couture. C'est moi. Le Canif. Évidemment. La Mésange. Présent. Chocolat. Je vais. La Bouillotte. Salut, c'est Arthur. Le Bambou. En plein dans la chatte, là. Bref, René la Taupe est innocent. Et le lieutenant Periglionelli retourne au commissariat bredouille. Une fois de plus. Mais il reçoit un coup de fil intéressant. Lieutenant Periglionelli, j'écoute. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, je m'appelle Jojo. Je suis le frère de Bill. Ah, le frère de la victime. Toutes mes condoléances, monsieur Jojo. Écoutez, j'ai des choses assez importantes à vous dire au niveau du décès de mon frère. C'est quand même une tragédie, je le rappelle. Ah, des infos, oui, j'écoute. Écoutez, j'étais en train de vider son appartement en espérant... On tirait un bon prix, hein, les fans du Big Deal sont nombreux. Et j'ai remarqué quelque chose qui manquait. Oui ? Le disque dur ! Le disque dur ? Le disque dur de son ordinateur. C'est-à-dire que nous avons désossé l'ordinateur et nous n'avons pas trouvé le disque dur. Alors là, je suis tombé de haut. Enfin, en vérité, je ne suis pas tombé, parce que je tiens plutôt bien sur mes appuis, mais je suis tombé de haut, mentalement, j'ai envie de vous dire. Encore une histoire de disque. Curieux. Décidément, il se passe quelque chose d'étrange avec cet ordinateur. D'abord le câble qui sert à étrangler la victime, et maintenant un disque dur qui disparaît. Excusez-moi, officier Periglioni. Ah oui, je vous écoute. Je voudrais savoir si vous pensez que... Oui. Il s'agissait d'un cambriolage, en vérité. Un cambriolage? Non, je ne crois pas. Quand on veut cambrioler quelque chose, on force très fort l'ouverture. On fait du remue-ménage. N'est-ce pas? Oui, on pénètre dans les lieux, en quelque sorte. C'est ça. Et je ne vois aucune trace d'effraction ici. Non, ça doit être autre chose. Je pense que la personne qui est venue et qui a pénétré cette pièce... venait chercher quelque chose de très précis et connaissait sans doute personnellement la victime. Alors, le lieutenant Periglionelli décide de vérifier l'activité téléphonique de Bill du Big Deal et découvre que peu avant sa mort, il avait passé de nombreux appels en Charente-Maritime. Ah oui, alors moi c'est marrant parce que je connais très bien la Charente-Maritime. Enfin, j'ai ma belle famille qui habite là-bas, à La Rochelle, même si mon beau-père, à la base, était du Loir-et-Cher. Mais enfin, il a pris dans les années, je crois, 70, hein, juste après qu'il a pris sa retraite, il me semble, parce qu'il était chez Peugeot, je crois. Il a pris, en tout cas, un terrain là-bas. Et alors, figure-toi, et là, c'est marrant, que finalement, nous, on y va souvent avec Hervé. Et là-bas... La maison, à l'époque... Ouais. Attends, ça devait quoi coûter à l'époque? C'était quoi? 2 hectares? On était sur 2000, 3000... Ça coûtait une bouchée de pain. Ouais, le mètre carré, c'était rien, quoi. Ouais. Et 4... Mais franchement, je te mens pas, je te le dis, tu me connais, je suis pas du genre. 4 mois après, poussait le fort. Et on a en face, mais sur terrasse, pleine vue, hein, je te parle de ça, c'est rasant, il n'y a aucun voisin, on est face au fort, Fort Boyard. Et tu vois Patrice Lafont? En entendant cette conversation au détour d'un couloir du commissariat, le lieutenant Periglionelli fait un bond sur sa chaise. Fort Boyard ! C'est là où travaille la gaffe. Ou plutôt, méga gaffe ! Et quand ils l'ont interrogé, qui les a interrompus au téléphone ? Son collègue, Willy Rovelli. Allô ? Allô, monsieur Rovelli, je présume. Ouais, je vous avais reconnu. Monsieur Rovelli, ravi de vous entendre, je ne vous dérange pas. Pas du tout. Vous avez l'air en pleine forme, ça fait plaisir. J'ai pas beaucoup dormi, mais enfin bon. Oh, ça s'entend très peu. Je me permets de vous appeler car Bill du Big Deal a été assassiné. Quoi ? Bill du Big Deal a été assassiné. Je vous ai entendu, mon Dieu, mais quelle horreur ! Je sens que cette nouvelle vous touche énormément, monsieur Rovelli. Je suis plein d'émotions. J'ai une petite question, que faisiez-vous hier soir ? Un bon alibi, puisque je regardais le film Alibi.com, justement. Son alibi est en béton armé. Il regardait Alibi.com, le film. Encore une fausse piste, décidément. Mais c'est alors qu'un collègue de la police scientifique interpelle le lieutenant Periglionelli. Hey, Periglionelli ? Oui ? C'est un trou de balle. Bonjour. Oh, je déconne, écoute, on peut rire. Alors j'ai regardé sous les ongles, on a trouvé un ADN un peu particulier. Tiens non. En effet, la personne serait une personne de petite taille, si tu vois ce que je veux dire. Une personne de petite taille? Un nain, quoi? Le lieutenant Periglionelli est complètement perdu. L'enquête est au point mort. Je suis complètement perdu, j'ai l'impression que l'enquête est au point mort. Excusez-moi, officier? Oui? C'est encore le téléphone pour vous. Qui est-ce ? Le corbeau. Ah, décidément, encore lui ? Il a acheté des bras ou quoi ? Non, c'est un corbeau... Enfin, voyez, comprenez-le. C'est pas un corbeau, le... Je veux dire, le volatile, quoi. Oui, qui vole ? Non, c'est pas un oiseau, c'est qui un est tout corbeau. Noir. Qui se déplace et qui peut des fois manger des carcasses d'animaux sur le bord des routes. Non, mais enfin, je ne parle pas d'un corbeau. Je vous parle. Vous venez de dire le mot. Non, mais je. Oui, je dis corbeau, mais quand je dis voilà, corbeau. Voilà, on est d'accord, c'est un corbeau. Non, mais. C'est une manière de parler. Alors, qu'est-ce qu'il veut, ce corbeau ? Parlez-lui. Ah, c'est le corbeau ! C'est le corbeau ! C'est le corbeau ! Écoutez, Periglionelli, c'est le corbeau qui vous parle, hein. Monsieur Mitterrand ? Pauvre con ! putain, mais c'est passe-partout, putain. Pauvre con, Nicle 17, pauvre con. Hein, écoutez. Enregistrez-moi ça. Enculé de flic. Hein. Mais c'est bien sûr. Tout concorde. Les appels en Charente-Maritime, la personne de petite taille et le meurtrier qui avait les clés du studio de la victime. C'est passe-partout, c'est sûr. Il a toutes les clés. Oui ? Vous êtes bien passe-partout ? Oui, absolument, bonjour. Bonjour. Écoutez, monsieur Partout. Oui ? J'aimerais savoir une chose. Pascal. Pascal Partout, mon vrai nom. Et on a raccourci passe-partout. Parce que ça et fait oui. Comme un passe-partout. D'accord, oui, pour le jeu de mots. C'est comme ça que j'ai trouvé du taf. C'est astucieux, c'est très bien. Passe-partout. Enchanté, monsieur Partout. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que Bill du Big Deal a été assassiné. Assassiné ? Mais il est pas mort, j'espère. Ah si, cela va de soi. Quoi ? Oui. C'est pas vrai ? Vous avez l'air très surpris. Bah, je suis très surpris. Pourriez-vous me dire ce que vous faisiez c'est hier soir ? C'est pas vrai ! Laissez-moi parler. Pourriez-vous me dire ce que vous faisiez hier soir, monsieur Partout ? Ben... Et posez cette canette tout de suite. Désolé, c'est du Red Bull. Je vous écoute. Que faisiez-vous ? Vous étiez dans la vigie avec le père Fouras, peut-être ? Non, pas du tout. Je vois pas de quoi vous parlez. Moi, j'étais dans le fort, quoi. Je me baladais, j'habite là. Ah oui ? Vous domptiez des tigres ? Non, ça c'est Félindra. Vous massiez Olivier Mine ? Mais pas du tout, il a une équipe de masseurs kinésithérapeutes qui... Alors dites-moi, monsieur Passepartout, que faisiez-vous hier soir ? Mais j'étais là, j'étais dans le fort. Alors là, pour tout vous dire, j'ai piqué une tête dans l'eau. Donc, c'est... Voilà ce que je faisais. Lâchez le morceau. Bon, d'accord. Allez, okay. Ça ira mieux après. Je voulais pas, moi. Je voulais pas lui faire du mal. Je crache le morceau comme vous me demandez. Mais c'est un gros morceau, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça a du mal à passer. Oui. Enfin, maintenant faut le recracher, donc ça passe. C'est dur à passer dans les deux sens. Ouais. Allez. Je vais le chier, votre morceau. Mon trou de balle, il est dilaté de 15 cm, alors au moment où je vous parle. Ah, ça doit être très douloureux, j'imagine. C'est un gros morceau. Bref, moi je voulais pas lui faire du mal, mais c'est le père Fouras. Il m'a dit... J'ai besoin de tes clés. J'ai besoin de tes clés pour aller chez quelqu'un. Je dois aller récupérer un truc. Alors, comme je lui devais un service, bah, j'ai dit oui. Vous lui avez donné vos clés ? Je lui ai pas donné mes clés. Je lui ai dit, justement, mes clés, je les garde. Il n'y a pas moyen que je les prête, mes clés. Alors, si tu veux mes clés, je viens avec toi. Alors, on a pris la caisse. On est allé dans à la plaine Saint-Denis, je sais pas si vous connaissez. Oui. C'est là où tourne Nagui. C'est là où tourne Nagui, ouais, entre autres. Et c'est là aussi où habite... Bah Bill du Big Deal, quoi. Et on est rentré, j'ai tourné la clé dans la serrure. Et il m'a dit qu'il venait pour récupérer juste un disque dur d'ordinateur. Et en fait, le père Fouras, il est devenu fou. Il s'est mis à l'étrangler. Le père Fouras qui étrangle Bill du Big Deal. Comme je vous le dis, monsieur l'inspecteur, il l'a étranglé. Alors moi, j'ai essayé de les séparer. Et puis, j'ai essayé de l'en empêcher, quoi. Et puis, dans la bagarre... Je me suis fait griffer par Bill, mais c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est pas moi qui l'ai tué. Moi, j'ai voulu l'en empêcher. Si vous voulez savoir, allez demander au vieux, allez demander au père Fouras. Moi, j'ai rien à voir dans cette histoire. Merci, monsieur Partout, pour votre coopération. Embarquez-le. Ah ouais, dur quand même. Attendez, j'ai tout avoué, là. C'est dégueulasse. Oh oui, qui est-ce ? C'est une énigme ou je peux répondre ? Ah non, je demandais, c'est qui, pardon, oui. Vous êtes bien le père Fouras ? Oh ! Oui ! Par mon grand âge et ma personnalité, c'est ainsi qu'on m'appelle. Je suis le lieutenant Periglionelli. Enchanté, monsieur Fouras. Vous savez pourquoi je viens vous voir, sans doute ? Non ! Si ? Oh, vous savez, je suis un vieux monsieur, je n'ai pas toute ma tête. Oh, je me chie dessus. Oh non, je suis dégoûté. Un vieux monsieur qui n'a pas toute sa tête, mais qui a toutes ses mains. Ah. Vous avez étranglé Bill du Big Deal, monsieur Fouras. Non, mais je connais le coupable. Ah oui ? Laissez-moi vous donner une petite énigme. Vraiment pas le temps, mais je vous écoute. Mon premier à des enfants, mais peut-être aussi de ski. Père, mon second... Père Fouras, oui, je l'ai, ok. Mon second n'a pas toute sa tête. Fou, père, fou, oui, père Fouras. Mon troisième est un rongeur. Ouais, ça va être Ras, du coup, la fin. Mon quatrième... c'est... Voilà, père Fouras. C'est donc... Oui, tu as trouvé. Félix... Ah, donc la menotte, directement. Oui. Ah. Embarquez-moi, ce vieux sénil. Oh, c'est pas moi, c'est ma petite pakistanaise, elle me vole mon argent. Si, je vous jure. Oh, mes enfants m'aiment plus, ils viennent plus me voir. Ils viennent... Oh, je chie sur moi. Père Fouras, pourquoi avez-vous fait ça? Bill du Big Deal était en dépression. Il ne travaillait plus et voulait relancer le Big Deal avec la gaffe. Mais... la nouvelle place de la gaffe est parmi nous, dans le fort en tant que méga gaffe. Bonjour Emily. Alors Bill a voulu saboter Fort Boyard en me faisant chanter. Je ne parle pas comme dans Mask Singer, dans un costume, non, vraiment il me faisait une rançon avec des documents compromettants où j'étais dans la boue avec la bohémienne. Je ne pouvais pas accepter ça, alors oui, je l'ai tué ce fils de pute, oui. Ces documents compromettants ? Ils étaient sur le disque dur, bien sûr. Et ce disque dur, on l'a retrouvé, bien rangé, dans le pupitre du père Fouras. C'était cuit pour le vieil homme. Tout ceci n'était qu'une triste histoire de jalousie. Le pauvre Bill du Big Deal, qui avait aussi bien côtoyé les étoiles du ciel que celles du show business, avait connu une fin bien misérable, loin des lumières des astres et des projecteurs. Quant au père Fouras, lui qui avait passé sa vie au Fort Boyard, une ancienne prison, il allait finir ses jours à Fleury-Mérogis. Ironique, n'est-ce pas ? Rideau ! Et vous vous demandez sûrement, ce corbeau, c'était qui ? Eh bien voici un enregistrement dans sa langue natale. Ouais, c'était moi le corbeau, le volatile. On pouvait pas le blairer, nous, le père Fouras. Jamais un petit bout de pain. Il en donnait qu'aux mouettes. Ce fils de pute.